Je suis optimiste, surtout pour l'avenir du Katanga. Je n'ai pas encore perdu ma confiance dans ce beau pays. Nous avons réussi à former une communauté multiraciale. Et voilà nos principes. Et nous voulons bien, et je répète, aider nos frères de l'ex-Congo belge. Seulement, je me trouve toujours dans une situation difficile que ces messieurs ne s'occupent pas du bien-être de la population. Ils se disputent surtout pour des places. Est-ce que le général Mobutu, qui se trouve en ce moment en visite au Katanga, est ici à donner à sa mission ou à son voyage un caractère politique? Non, son voyage a tout simplement un caractère militaire. C'est lui d'ailleurs qui vous a libéré de vos 2 mois d'emprisonnement. Ce n'est pas parce qu'il m'avait libéré, mais je trouve en général Mobutu comme un homme très honnête. Je trouve en général Mobutu comme un homme, s'il y avait 4 ou 5 général Mobutu à Léopoldville, eh bien on éviterait beaucoup de difficultés. Peut-on en quelques mots faire le point sur cette affaire katangaise, Elikam Bokolo, ses causes, son déroulement, son issue? L'affaire katangaise est l'une des affaires les plus compliquées des années des indépendances. Le Katanga était une province du Congo belge, donc un territoire découpé artificiellement à l'intérieur des frontières non moins artificielles du Congo belge. Mais à l'intérieur de cet espace, il s'est formé une sorte d'identité katangaise. Identité qui correspondait au fait que c'est la province la plus riche de la colonie, possédant de l'uranium, du cobalt, du cuivre. C'est aussi la province où les Européens sont les plus nombreux. Une véritable colonisation humaine, et ces colons, compte tenu du voisinage des 2 Rhodésies et aussi du voisinage de l'Afrique du Sud, ces colons étaient acquis aux idées de l'apartheid. Et puis au Katanga, il y avait un clivage nord-sud, le sud qui était le bastion de Moïse Tshombe et le nord où les positions lumumbistes étaient bien implantées. Tout ceci a conduit donc à des velléités sécessionnistes, sans que l'on sache trop ce qu'il y avait derrière. Certains pensaient à rattacher le Katanga à la Fédération de l'Afrique centrale, qui regroupait la Rhodésie du Nord, la Rhodésie du Sud et le Malawi, pour en faire un État sur le modèle sud-africain. D'autres pensaient au contraire à une république franchement indépendante, qui aurait les moyens financiers de survivre. Pour d'autres enfin, la sécession n'était qu'une phase provisoire permettant au Katanga de renégocier sa position à l'intérieur du Congo. Tout cela a eu des répercussions considérables. D'abord la sécession elle-même, ensuite l'appel lancé par les autorités de Kinshasa à l'ONU, donc l'intervention des casques bleus de l'ONU qui ont été pris dans ces difficultés, dans ces problèmes d'une extrême complexité que le Congo connaissait alors. Et on sait que la crise congolaise vaudra la mort du secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, mort dans un accident mystérieux d'avion et non élucidé à ce jour, le 18 septembre 1961. Finalement, au bout de 3 années de conflit, en 1963, le Katanga rentrera dans l'ensemble congolais. Et pendant ce temps-là, Patrice Lumumba, 5 semaines après la déclaration d'indépendance de son pays, il se rend au siège des Nations Unies à New York, et s'adresse en ces termes aux membres de l'Organisation internationale.